Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, je suis dans le studio avec Tiziana. J'ai bien prononcé ? Oui, bien prononcé. Oui. Tiziana, très bien. Et votre nom de famille, dites-le vous ? Brunnings. Brunnings, c'est un petit peu difficile pour moi. Un poquitín difícil. Entonces, lo habéis entendido, queridos oyentes, esta niña es belga, ¿verdad? Sí. Además tiene los ojos entre azules, verdes y grises, belga típica. Muy bien. Estudiante en la Universidad de... Marie-Apps también, que es un anexo de la Universidad Libre de Bruselas, ¿no? De Louvain. De Louvain, ah, sí, es verdad. Marie-Apps pertenece a Louvain. Louvain francófona. Sí. Bueno, Lovaina la nueva. Muy bien. Y entonces, ella es de Bruselas. El otro día estuvimos con una niña del campo, pues esta es de ciudad, y nos va a hablar de Bruselas. Sí. ¿Qué dices de Bruselas a nuestros oyentes? Donc, à Bruxelles, donc, il y a donc différents quartiers. C'est la capitale. Donc, d'abord, c'est la capitale donc, de la Belgique. Donc, Bruxelles s'étend sur 19 communes. Et Bruxelles compte environ 1 million d'habitants. Donc, c'est une grande ville, mais il est facile donc, de s'y déplacer grâce aux trams, bus, etc. Puisque dans Bruxelles, il y a différentes gares. Ah oui, il y a une gare centrale, gare du midi. Alors, dites-nous toutes les gares de Bruxelles. Oui. Donc, gare centrale, gare du Midi, gare du Nord, gare du Luxembourg, il y a Schumann. À Schumann, qui voilà. Est également un arrêt donc, de métro. Oui. Donc, tout ça donc, dessert donc, tout Bruxelles, également dans le quartier donc, européen. On a toutes les institutions européennes, le Berlaymont, oui. Le Parlement européen. Puis, on a également, par exemple, le quartier donc, des Marolles, oui. Qui est donc très célèbre pour son marché aux puces. Ah, le quartier des Marolles. Oui. Un mercadillo, marché aux puces, c'est un rastro. Ah, ¿eh? Sí. Y un rastro de antigüedades, especialmente. ¿Eh? Sí. Parce qu'en español, rastro, ça peut être un marché en plein air, tout simplement. Ah, sí. Tandis que marché aux puces, son antigüedades, ¿verdad? Sí. Voilà. Et donc, près du quartier du Marolles, donc, il y a le palais de justice, donc, qui est en hauteur, donc, sous Bruxelles. Et du palais de justice, donc, on peut voir tout Bruxelles. Tout Bruxelles. Es precioso, una vista preciosa, sí. ¿Verdad? Y después hay como un ascensor, ¿verdad? Sí, es nuevo. Oh. Ah oui, ah non, il faut vous parler français. Oui, donc ça fait quelques années qu'il a été construit. C'est un ascenseur en pleine ville. Donc il y a une esplanade, ¿verdad? Il y a une esplanade. Oui. Et puis on prend l'ascenseur et puis on descend. On monte et on descend. Il y a une dénivellation dans Bruxelles. Oui. Voilà. Puis donc dans le centre de Bruxelles, il faut absolument donc voir la Grand Place. Donc sous les contours de la Grand Place, on a la Maison du Roi qui aujourd'hui est un musée. On a toute une série de maisons de corporation qui aujourd'hui sont des bars et des restaurants. Oui. Alors, il faut aquí decir a los oyentes, ¿cómo, por qué es famosa la Grand Place? ¿Cómo es el aspecto que tiene la Grand Place? ¿Cómo son las casas? Elles sont très particulières, elles sont toutes différentes. Oui. Et ce sont les façades aussi, très étroites, très élancées, et les toits ne sont pas... c'est pas une pente lisse. Oui. Donc, ce sont des petits escaliers. Voilà. Ce sont les typiques casas belgas, ¿verdad? Tout en hauteur, altas, con unas escaleras imposibles dentro. Porque las casas esas es horrible, tienen unas escaleras que yo me pregunto los mayores cómo hacen. No viven allí, claro. No. Y alors, ces maisons, es un poco como la Plaza Mayor de Salamanca, ¿verdad? Sí. Algunas personas viven allí, pero son sedes de empresas, bares... De bars, de chocolateries aussi. De chocolateries, surtout de chocolateries. Chocolaterie. Voilà. Et très puis bien. Donc, il y a l'hôtel de ville. Oui. Donc, est un endroit donc où... Et todo eso en la plaza. Todo eso en la plaza, oui. Donc, est le style gothique. Et donc, l'hôtel de ville, donc, il y a une tour, et en de la tour, il y a donc le Saint-Michel. La statue de Saint-Michel. Donc, le patron donc, de Bruxelles. La caractéristique de l'hôtel de ville, c'est qu'elle est asymétrique, puisque la tour n'est pas au centre de l'édifice, et que la partie droite et de gauche ne se ressemblent pas. Ah, si. Est-ce que c'est curieux, en Belgique, les bâtiments sont chacun à sa manière, il n'y a pas de symétrie, mais c'est quand même joli. Oui, c'est bonito, il y a une harmonie. Si. Et l'hôtel de ville, c'est l'endroit donc où... les personnes où se marient, donc le mariage civil, se fait donc à l'hôtel de ville. En Belgique, c'est comme en France, ¿verdad? Hay que ir primero à l'hôtel de ville et después à la iglesia, si se quiere. Oui. Après à l'église. Et donc, évidemment, la Grand Place donc, est considérée également comme une des plus belles places. Bien sûr. Et à veces, tiene flores, non, la Grand Place? Oui, ça c'est donc au mois d'août, je crois. C'est... Oui. Au mois de juillet, je ne sais pas. Ah, oui, il y a un parterre de fleurs. On fait un parterre de fleurs sur la grande place. C'est quelque chose d'impressionnant. Oui. Toutes ces fleurs sur le parterre, c'est magnifique. Et à Noël, il y a loin de la grande place. À Noël, il y a juste donc le sapin de Noël, la grande crèche. Et puis des petites décorations un peu partout. Il n'y a pas un marché de Noël à Bruxelles ? Oui, mais le marché de Noël, ça part de la Bourse pour arriver jusque place Sainte-Catherine, avec la patinoire et la grande roue. Voilà, muy bien. O sea que las plazas en Bélgica son muy importantes. Sí. Es reminiscencia de España, seguramente. Reminiscencia de España, ¿no? C'est une réminiscence de l'Espagne, ces grandes places. Ah, parce qu'en France, vous ne voyez pas ces places comme ça. Les places, elles existent, mais elles sont célèbres, c'est vrai. Oui. Mais elles n'ont pas la vie... Qu'elles ont en Belgique. Oui. Muy bien. Carlos V, par algo, tiene que. Alors, ensuite, donc, près de la Grand Place, c'est le Manneken Pis. Ah, le fameux Manneken Pis. Petit garçon, donc, qui urine, mais qui est connu aussi sous le nom de Petit Julien. Ah, c'est son nom français, le Petit Julien. Ah, je suppose. Et oui, bien sûr, parce que Manneken Pis, c'est flamand. Oui, bruxellois. Ah, c'est bruxellois. Ah, il fallait que vous nous parliez de ça aussi. Oui. Donc c'est une petite fontaine, un petit garçon qui est en train d'uriner, et donc il y a plusieurs légendes à son sujet. Par exemple, une serait que donc la ville de Bruxelles donc était assiégée, qu'on voulait donc mettre feu à la ville, et ce petit garçon a uriné sous la mèche de la bombe. Comme ça, l'incendie n'a pas eu lieu. Voilà, il a sauvé la ville. Alors particularité, ben il porte des vêtements à différentes occasions spéciales, donc à Noël. Porte la petite habille du Père Noël. On l'habille et tous ses vêtements se trouvent dans la maison du roi à la Grande Place, qui est un musée. Muy bien. Mutatis mutandis, c'est comme Nostra Signora del Pilar, non? Et toutes les grandes vierges de l'Espagne, on les habille selon les époques, les fêtes, on leur change le vestiaire. Ouais, et puis dans la sacristie correspondante, están todas las ropitas, o sea que el Manneken Pis también lo visten. Alors, il faut également savoir qu'il existe une version féminine de Manneken Pis. Manneken Pis. La parité, ça existe, non? Oui, mais elle est située dans un endroit, une petite ruelle près de la Grand Place, et très peu visitée. Très peu visitée. Oui. Ah oui. A mí me gusta más el Manneken Pis que la niña. Ah, si. C'est más gracioso. Moi, j'ai juste vu Manneken Pis deux fois. Dans votre vie? Oui. Oui, mais c'est pas très, très intéressant à voir. C'est anecdotique. Hein, c'est curieux. Ensuite, que más visitamos en Bruxelles? Donc il y a la Bourse, donc c'est un la bourse. Il y a également les galeries royales Saint-Hubert. Il y a également donc beaucoup de commerces de luxe et une célèbre librairie. Alors on appelle galerie, en realidad es como arcos, ¿no? Ce sont des arcades. Une galerie, c'est par exemple, donc on a toute une série de maisons alignées d'une côté des autres et on peut passer d'une rue à une autre en passant par une galerie. Voilà, es como un pasadizo. Oui. Pero tiene una forma redonda, como una abovedada. Oui. Oui, c'est un passage dans un pâté de maison. Oui, c'est ça. Et entonces dentro están les commerces, les chocolateries. Les chocolateries aussi, les petits cafés. Ay, señor, qué cosas más buenas hay ahí. Voilà, la galerie Saint-Hubert. Voilà. Oui, voilà. Puis près de la gare centrale, il y a la cathédrale Saint-Michel et Gudule. Saint-Miguel et Santa Gudelia. Gudule, Santa Gudelia. Et c'est là qu'ont eu lieu les mariages donc, des princes de Belgique. Comment non? Claro, la cathédrale, pas esos tambes, ça. Puis on a également le Petit Sablon et le Grand Sablon, qui se trouvent dans le quartier des Antiquaires. Oui. Et qu'est-ce? Le Petit Sablon et le Grand Sablon, c'est une place. Ce sont des places, mais des places. Il faut le dire. Si, oui. Porque aquí en Salamanca tenemos un restaurante, no vamos a hacer publicidad, pero un poco, que lo regenta un señor español y una señora belga. Y se llama Le Sablon, ¿no lo conocéis? Ah, un restaurante muy bueno. Entonces es recordando las dos plazas de Bélgica, le Petit Sablon, de Bruselas, le Petit Sablon et le Grand Sablon. Donc là, il y a également beaucoup d'hôtels, de bars, de restaurants. Donc, se déroule également donc, le marché des antiquaires. Et on y trouve les célèbres chocolatiers belges, Vitamère, Pierre Marcolini et Godiva. Alors ensuite, plus à l'écart du centre de Bruxelles, on a donc l'Atomium, donc, qui a été créé pour l'Expo universelle, donc l'Expo 58. Donc on a les 9 sphères qui représentent les 9 atomes du cristal de fer. Et aujourd'hui, donc, dans l'Atomium, il y a donc un musée, un restaurant, où il y a donc une très belle vue donc panoramique. C'est splendide. Et il y a une des boules de l'Atomium qui est réservée aux jeunes. Et donc, les écoles peuvent aller là, passer une journée ou même dormir la nuit. Donc, passer une nuit dans la taverne. Pero qué hacemos que no vamos a Belrica? Con las cosas simpáticas que hay ahí. Puis, à côté donc, de la taverne, il y a Brugge Park, donc une zone de loisirs avec la Mini Europe, le Planétorium et d'autres restaurants. Et puis, les palais du Wesel, où se déroulent toutes les expositions. Très bien. Salon de l'auto, les vacances. Voilà. Bueno, vamos a descansar un poco, vamos sí. a escuchar una canción y después ya volvemos a pasear, seguimos paseando por Bruselas, ¿de acuerdo? D'accord. Hasta ahora, queridos oyentes. Là, après cette chanson, Tiziana va nous parler de quelques petits détails sympathiques de Bruxelles, par exemple. Par exemple, donc les caricoles. Les caricoles. Donc à chaque coin de rue, donc, entre guillemets, on trouve donc la vendeuse de caricoles donc à Bruxelles. Et généralement, c'est près donc de la Grand Place, du jeu de balle, donc toujours près des grandes places donc de Bruxelles. Ouais. Et mais qu'est-ce que c'est des caricoles, dites-nous. Des caricoles, ce sont des escargots. O sea, caracoles. Sí. Ay, qué gracia. O sea, que en Bruselas se comen caracoles, lo que los llaman caricoles. Ay, qué gracia. Et donc, les gens les mangent dans la rue, donc ils achètent un petit paquet et on voilà. les mange comme ça. Voilà, comme les frites et les moules, un petit peu voilà, pareil. Voilà, un peu comme ça. Mais en Belgique, on préfère manger assis. On préfère manger assis. Les frites et les moules, ça se mange assis, sentados. Et los caricoles, les caricoles debout, debout, dans la rue. Muy bien. Et donc, il y a aussi donc, trois bières bruxelloises. Donc, il y a la Gueuse, le Faro, qui a pratiquement disparu et qui a un faible teneur en alcool, et le lambic, qui est une bière qui ne mousse pas, alors que les bières généralement moussent. Moussent, tienen espuma. O sea, tres, o sea, queridos oyentes, ya sabéis, tres cervezas en Bruselas. En Bruselas. La Gueuse, le Faro et le lambic. Et le lambic. En lambic, c'est comme un peu alambiqué, non? Ça, en lambic, ça rappelle quelque chose. Oui, c'est vraiment. Très bien. Et entonces, nos quiere hablar también del habla de Bruselas. Bruselas. Porque dicen que allá en Bruselas hablan francés, pero... Francés, pero también bruxellois. Le bruxellois. Alors, bruxellois. Qu'est-ce que c'est que ce bruxellois? Alors, donc, le bruxellois donc, provient du français, qui est un dialecte germanique occidental. Donc, le bruxellois donc, est parlé donc, à Bruxelles. Et ce n'est pas un dialecte flamand ou un dialecte français. Donc, c'est un mélange. Un pidgin. Voilà. De flamand, de wallon, de français et probablement d'espagnol et d'anglais. Oh, sûr, d'espagnol, sûr. Seguro que hay aquí. Oui. Ah, non, me digas con los caricoles. Les caricoles. Impossible que non sea. Alors, le bruxellois n'a pas totalement donc, disparu. Donc, il y a toujours des personnes donc, qui parlent le bruxellois, mais généralement, on colle une certaine étiquette aux gens qui parlent bruxellois, des personnes de la classe basse, ouvrière. Plus souvent du quartier des Marolles, qui est aussi un quartier pauvre, malgré qu'il y ait le marché aux puces. Oui, donc on n'aime pas trop le bruxellois, mais il existe quand même. Mais il existe quand même. Et puis, évidemment, donc, l'école interdit donc, de parler autre chose que le français. Donc, sí, porque claro, es que en Bélgica, entre el néerlandés, el alemán, el francés, sí, y encima los dialectos de todo eso, oui. A ver, es que hay que hacer la unidad lingüística, es una realidad, ¿no? Oui. Ensuite, donc, maintenant, donc, le bruxellois, on l'utilise souvent, c'est un usage donc, soit folklorique, soit humoristique. Donc, il y a de nombreux humoristes belges qui reprennent donc, le bruxellois pour faire rire. Il existe aussi différents types de bruxellois. Le bargunsch, on a le beulemats, qui est un mélange de français donc, et de flamand, et qui est souvent utilisé par les publicitaires. Oui, bien sûr, c'est commode. Si on a une langue intermédiaire entre les deux grandes, c'est plus facile. Et c'est également une connotation donc humoristique, toujours. Et puis le marolien, donc, qui a presque disparu. Et donc, ce sont des ouvriers qui sont venus travailler donc, à Bruxelles et qui ont influencé donc, la langue parlée à Bruxelles. Et ça donnait donc le bruxellois marolien. Très bien. Ah, ben, c'est parfait, on a appris qu'il y a donc une autre variété linguistique, oui, à Bruxelles. Vous pourriez nous dire quelques petits mots en bruxellois? Bien sûr, avec l'équivalent français. Ah oui, s'il vous plaît. Donc on a Astablift, donc c'est s'il vous plaît. Mon Dieu, comment vous avez dit? Astablift. Très bien. Alors qu'en irlandais, c'est Alsjeblieft. Ah oui, donc là, il y a une parenté avec le néerlandais. On a Goeiedag, bonjour. Et en irlandais, c'est comment? Goeiedag. Pareil. Plus ou moins. Donc oui, c'est plus ou moins le... C'est au niveau de l'écriture. Les graphies qui sont la graphie, oui. Puis Dag Menneke, bonjour mon petit garçon. Donc généralement, le suffixe que, c'est toujours petit. Ah oui, c'est diminutif. Manneken bis. Ah oui, c'est un petit, oui. Dag Menir, bonjour monsieur. Et en flamand, c'est comment? Dag Menir. C'est pareil en flamand. Menir, et ici en bruxellois, Dag Menir. C'est une question de prononciation. Parce que moi, à l'oreille, vous me dites ça, j'ai l'impression que je suis tout d'un coup à Anvers et que j'entends dire ça, effectivement. Bon. Puis Dag Madame, bonjour Madame. Bonjour Madame. Salut Benewech, salut, je suis partie. Et puis merci, reste merci en bruxellois. Tout le monde dit merci. Voilà. Oui. Et on dit merci parfois à la place de s'il vous plaît aussi. Oui. Généralement, moi, je dis toujours s'il vous plaît. Voilà. S'il vous plaît, merci. Merci. Les usages sont un petit peu différents. Différent, oui. C'est magnifique. Et alors, vous avez des tutienes et compañeros españoles qui van à Bruxelles, ¿verdad? Oui. ¿Qué dicen en Bruxelles los españoles, los jóvenes? Ils sont toujours revenus, donc enchantés de leur voyage à Bruxelles. On m'a toujours parlé des frites, du chocolat, de la bière. Mais il faut savoir que les Belges, ce n'est pas parce que c'est un pays où il pleut tout le temps, que ce n'est pas un pays donc festif. On adore les fêtes, voilà, manger, boire, ça on adore. Voilà. Et Belgica, es mucho más alegre que Francia. Si, c'est vrai, il faut le dire. La Belgique est plus gaie que la France. Ouais. Les Français sont beaucoup plus... sont comme collés montés. Alors les Belges sont beaucoup moins collés montés que les Français. C'est... Donc ils ont un abord plus facile et c'est vrai. Entonces, queridos oyentes, ¿qué hacemos? Pues vamos a Bélgica, ¿no? Sí. Eso está clarísimo. Bueno, que vengan más niñas y nos cuenten más cosas de Bélgica. Hasta la semana que viene. Adiós, a la semana prochaine.